UFM 106.9. Il est 16h. UFM à Mons sur le 106.9. Experiment. Examines. that it would be worth the ride. Now we're speeding. The streets haven't been repaired in years. The driver slams the brake several times as we come up to what they indicate is a bump on the inner city highway. We turn south just before the GWB. Street lamps. It turns the ambulance into a tunnel. I can feel the blood on my chest. The Jamaican paramedic holds a compress under my throat. He tells me to hold on. It's gonna be alright. We smash over another bump in the road, and his hands spring up and down on my shoulder like a giant slinky. I can feel the tail end of the ambulance bounce and scrape the roadway. I think, shit, sure, things are gonna be alright. Experiments, de retour après un hiatus de 4 mois. On est très content de vous retrouver pour votre émission dédiée à la musique underground en tout genre, animée par Raoul Piouk et Nico Deck. Bonsoir Nico. Alors on vient d'attaquer les hostilités en beauté avec un morceau de Sinuya Caves, un artiste canadien qui a signé la bande originale du film Beyond the Black Rainbow. Alors la bande-son est sortie en 2014 sous le label Jack Jaguar et le morceau s'intitulait Forever Dilating Eye. Et ensuite, juste à l'instant, c'était Two Kilos and More, le duo français qui viennent de sortir leur tout nouvel album Lieu-dit sous l'excellent label allemand Hansen et qui sont, comme régulièrement, accompagnés sur ce morceau par Black Sea Fishy, artiste de spoken word bien connu des amateurs du genre. Alors Nico, qu'est-ce que tu nous as concocté pour la suite ? Eh bien là maintenant, je vais passer du Melvins avec un morceau qui s'appelle The Bunk Up, sorti du dernier album Hold It In, qui est sur le label IPCAC. Et c'est un album qui a été fait en collaboration avec deux des membres de Butthole Surfers. Un album assez surprenant tout de même, je trouve. C'est parti, ça promet de défourailler pas mal. We'll be right back. Nous écoutions donc The Bunk Up, un morceau de Melvins tiré de leur dernier album Hold It In. Et maintenant nous allons passer à Mudhoney avec In This Rubber Tomb, sorti sur leur dernier album de Vanishing Point sur Sub Rose Sub Pop. Bon, ce morceau-ci, c'est un peu pour annoncer leur prochain concert le 1er mai à Lessine au Roots and Roses. Alors maintenant, place à Mudhoney. Oh yeah! No place like home. Experiments. Voilà, on vient de s'écouter Doron Sadia, un artiste new-yorkais que j'ai eu la chance de découvrir à Berlin, qui est en fait un artiste multimédia, qui combine musique électroacoustique et des prestations basées sur la lumière et sur l'image. C'est super impressionnant et immersif à voir. Je vous recommande chaudement si vous avez l'occasion de voir ça un jour. Et le morceau s'intitulait Breath Art, issu de son dernier album sous le label Chincoyo Records. Et juste avant ça, c'était Deface, l'une des dernières signatures du label Home Resistance, le label américain mené de main de maître par Kurt Gluck, alias Submerged, que je salue au passage. Eddie Face, c'est un duo composé de Jonathan Barrock et Shovel Face, deux artistes américains basés à Berlin, qui nous ont gratifié de cet album. Grosse fusion de styles électroniques en tout genre, tels que drum and bass, techno, breakcore. Le morceau s'intitulait Methods. Nico, qu'est-ce que tu nous as réservé ? Eh bien, maintenant, on va passer à un truc dans un style plutôt stoner, sludge, avec le groupe Torch et le morceau Restarter, qui est présent sur l'album du même nom, sorti sur le label Relapse Records, ici en février 2015. Et on pourra les voir le 21 mai au Music Centrum Trix d'Anvers. Allez, vas-y. C'est parti. Oh yeah! We'll be right back. Experiments. Voilà, nous écoutions donc le groupe Torch avec le morceau Restarter sur le même l'album. Alors, et comme je le rappelais, ils seront le 21 mai au Music Centrum Trix d'Anvers. Ce qui va suivre est ce qu'on appelle un peu les super groupes. Donc c'est Killer Be Killed avec le morceau Save the Robots sur Nuclear Blast Entertainment. Alors on retrouve Greg Picaccio de Dillinger Escape Plan, Max Cavalera de Sepultura, Soulfly, Troy Sanders de Mastodon et le batteur qui avait formé Mars Volta, Dave Ellich, ainsi que Julian Montoya dans les guitares additionnelles qui était l'un des mêmes fondateurs de Torch. Une belle brochette. Voilà, et donc on va qu'il y a un peu. C'est parti. Oh yeah! We'll be right back. Experiments. Voilà, c'était John Carpenter, et oui, il s'agit bien de John Carpenter, le cinéaste, et il s'agit ici du premier album qu'il sort sans qu'il s'agisse de la bande-son d'un de ses films, en fait, son premier album sorti indépendamment, sous le label Sacred Bones Records, qui, ont également à leur catalogue des artistes qu'on vous a déjà passés auparavant dans Experiments, notamment Pharmacon. Et donc l'album de John Carpenter s'intitule Lost Teams, et ce morceau-ci c'était Fallen. Juste avant ça, on s'écoutait Shadatum, encore un duo basé à Berlin, composé de Brandon Rosenbluth aka Xorcist et de Nico Elefo alias Shada, qui sont également membres fondateurs du groupe Relic avec la chanteuse Grail. Relic qui est plutôt un groupe de doom metal. Et ici dans Shadatum, on retrouve ce genre d'influence mais combiné à des éléments plutôt électroniques, techno, etc. Alors Nico, la suite, qu'est-ce que tu nous réserves ? Eh bien Mombu, qui est un groupe italien, avec le morceau 667, A Step Ahead of the Devil, de l'album Niger sur Subsound Record, qu'on a pu voir au Phoenix ici ce 30 janvier. Et en attendant, je voudrais dédicacer ce morceau-là à Madame S, une Italienne également. C'est parti. C'était Mombu, avec le saxophoniste qu'on peut retrouver également dans Zoo. Et c'est pour ça qu'on va passer avec Philia Motz, qui est un duo nancéen formé par Emily Weber et Anthony Laguerre. Mais sur ce morceau qu'on va écouter, il se retrouve avec Joey Socket, l'ex-chanteur de DX, qui avait également collaboré avec DX. Et avec Zoo, pardon. Ouais. not a guy of your attention, please. As I'm a rat who wastes his knees for begging for some mindless cheese, I asked you kindly to ungrease the slimy substance of your suffocated soul. This headless halo hanging around its empty hole, its fat void inflated way beyond control, stubbornly stumbling about like a man mole. Should I kill you from this dumb disease? You bet I know there are no guarantees to wipe this filthy flood of consonants and vowels that keep escaping from your mouth. No man can keep on running from the truth, an eye for an eye and a tooth for a tooth. You gotta take a rough along with a smooth. There's a wolf in the belly of the growing you, and something sometimes should simply be sad. So I'll say again till your ears turn red. I'll be a pain in the neck to be taken aback. A hat could be more than a rack for a hat. Should I kill you from this dumb disease? I bet you know there are no guarantees. And if my choice of words seems to disturb, then keep in mind that fuck is just the fun. And it's true that when you pronounce you, it might sound quite offensive too. An asshole is a noun, so consider it a sign. I guess we've reached our bottom line. Hey. Nous sommes le bruit. Experiment. Experiments. Voilà, on vient de s'écouter A Field of Black Orchids avec son morceau Scorn, un morceau qui était sorti en single, en self-release via Bandcamp en 2012. A Field of Black Orchids, c'est le projet solo de Brandon Dalkahy, un musicien basé au Michigan, comme vous avez pu l'entendre, très influencé par des groupes des années 80 comme Skinny Puppy, et dont la musique est riche en thymes et en visuels ésotériques. On vous donnera l'occasion de découvrir ces visuels via la page Facebook de l'émission. Juste avant ça, c'était Empusae, le projet de Nicolas Van Merag, un musicien gantois qui officie depuis déjà de longues années et qui sort généralement ses travaux sous le label allemand Anzen. Celui-ci était un extrait de Symbiosis, un album sorti en 2012. Le titre du morceau, c'était Dissection of Purity. Et le guest vocaliste que vous pouviez entendre était Juni Avukainen, alias In Slaughter Natives, un projet de musique industrielle avec qui Nicolas Mpouzet joue parfois des percussions en concert. Nico ? Oui, donc avant la sélection de Raoul, on écoutait Felia Mazza qui, sur sa route, a pu croiser le groupe Pneu, qu'on pourra voir ce 15 mars au Phoenix. Et donc là maintenant, on va passer le morceau The Biggest, The Uncle, sur l'album Destination Qualité, sorti sur le label Head Records. Ouais. Thank you. Experiments. Voilà, qu'est-ce qu'on vient de s'écouter, Nico ? Ah bien, ici, on écoutait Jessica 93 avec le morceau Sur ma tente, sorti sur le label Rise, sorti sur l'album Rise, et sur les labels Teenage Menopause Records, ainsi que sur Musique Fear Satan. On le retrouvera en concert le 30 avril au Mad Café à Liège. Et avant eux, on écoutait Pneus, qui seront eux en concert le 15 mars au Phoenix à Mons. Cool. Alors juste après ça, on va enchaîner avec Wife, le projet solo de James Kelly, un musicien irlandais qui s'était déjà fait remarquer auparavant avec son groupe de black metal Altar of Plagues. Ici, il officie dans un registre plus qui combine la pop et la recherche de sons électroniques. Le morceau s'intitule Tongue, sorti chez le label Triangle. Et juste après ça, ce sera XTG. XTG, ce sont une partie des anciens membres de Trevin Gristle, Chris Carter, Kasi Fenituti et Peter Christopherson, paix à son âme. Sur cet album, en fait, ils ont eu plusieurs invités différents au chant. Sur le morceau qu'on écoutera, Afraid, il s'agit de Sacha Gray. Oui, c'est bien la même Sacha Gray, l'ancienne actrice porno. Et parmi d'autres invités au chant, parmi lesquels on peut citer Blix Abergeld, Marc Almond ou encore le cinéaste Gaspard Noé. Et il s'agissait en fait d'un album de reprise de l'album du même titre Desert Shore de Nico qui était sorti en 1970. Experiment. To take a fall.

Alors Nico, qu'est-ce que tu nous proposes ensuite? Eh ben là maintenant, la suite de ma sélection, ça va être un peu les papis font de la résistance. Alors là, ça va être Nino Ferrer avec le morceau Moby Dick qu'on pouvait retrouver sur l'album Nino Ferrer and Legs en 1972 sur le label Riviera. Alors, place à Moby Dick. N'est-ce pas? De Nantucket, à la douceur d'un lit, et l'habitude y fait disparaître l'ennui, et le brouillard étouffe le contour et le bruit. Et de la ville, et de la vie. Dans la mer des sargasses, les algues engourdies et les vertes épaves tournent à l'infini. Il y a tant de sirènes, il n'y a pas de merci. Dans la mer de l'amour et dans la vie. And you act like a cat. I'm dazed and confused, hanging on by a thread. I'm being abused, I'd be better off dead. I can't stand this tease and I'm starting to crack. You're out to get me, you're on the right track. Thank you. Nous sommes le bruit. Experiments. Eh bien, dans les autres papilles, nous écoutions Jake Holmes avec le morceau Dead and Confused sur l'album Above Ground Sound, sorti sur la Bell Tower. Bien sûr, vous avez sûrement dû reconnaître, ceci était l'original d'un morceau qui a été popularisé après par Led Zepp, qui, dans son habitude, ne l'avait pas crédité. Typique. Eh bien, merci Nico de ta sélection du jour qui était bien, bien puissante comme d'habitude. Alors, l'émission touche bientôt à sa fin. Je vous propose de la clôturer avec deux derniers morceaux. Le premier est de Tim Acker, s'intitule Virginal 2 et est issu de son album Virgins, sorti en 2013 sur le label Cranky. C'est un mélange de musique électronique et de classique contemporain. Et le dernier, ce sera Peter, et Peter qui aide, mais ce n'est pas une blague, il y a bien trois fois Peter dans le nom des auteurs de ce morceau. Et il s'agit de la bande originale du film Valhalla Rising, du cinéaste Nicholas Winding Refn, avec Max Mikkelsen, un film que je vous recommande chaudement si vous aimez le cinéma étrange, sombre et parfois à la limite du sordide. C'est parti. Et du silence. Aussi. Everywhere.